Chapitre 2. La journée dans la chambre commençait très tôt avant l'aube d'hiver, et elle était très longue, claire et vide. À 6 heures, on donnait aux malades leur thé du matin, qu'ils buvaient lentement, par petites gorgées. Puis on leur mettait le thermomètre pour mesurer leur température. Un grand nombre de malades de la clinique, et le père diacre en particulier, avaient appris là, pour la première fois, l'existence chez eux d'une température. Celle-ci leur paraissait une chose infiniment mystérieuse, et ils attachaient une importance extrême à la mesurer. Le petit tube de verre, avec ses raies noires et rouges, était devenu pour eux l'indice de leur vie, de telle sorte qu'un dixième de degré de plus ou de moins les rendait heureux ou malheureux pour la journée entière. Le père diacre lui-même, éternellement gai, avait une seconde de tristesse et hochait la tête avec mélancolie lorsque la température de son corps se trouvait plus basse que ce qu'on lui avait dit être la normale. « Voilà une drôle d'histoire, mon petit père. 36 8/10, disait-il à Laurent Petrovitch en examinant avec méfiance le thermomètre dans sa main. « Tiens-le quelque temps encore sous ton bras, ça le réchauffera, » répondait Laurent Petrovitch d'un ton méprisant. Et le père diacre obéissait. Et si la chance voulait qu'il gagnât un dixième de degré de plus, il se rassérénait et remerciait chaudement Laurent Petrovitch pour son bon conseil. Ce thermomètre ramenait la pensée des malades pour toute la journée à la préoccupation de leur santé, et toutes les recommandations des médecins s'accomplissaient non seulement avec ponctualité, mais même avec une certaine solennité. Mais personne ne les accomplissait aussi solennellement que le père diacre. Quand il tenait le thermomètre, quand il avalait une potion, aussitôt il prenait une mine grave et recueillie, la même qu'il prenait pour parler de sa consécration en qualité de diacre. Souvent, il se fâchait contre ceux des malades qui ne remplissaient pas à la lettre les instructions des médecins. Il y avait en particulier dans la chambre voisine un gros homme nommé Minaïev, qu'il ne cessait point de sermonner à ce sujet. À ce Minaïev, les médecins avaient défendu de manger de la viande, et lui, en cachette, en dérobait des bouchées à ses compagnons de table, et il les dévorait sans même mâcher. Vers 7 heures, la chambre se remplissait de la lumière du jour entrant par les hautes fenêtres. Aussitôt, les murs blancs, les draps blancs des lits, le plafond et le plancher, tout brillait et rayonnait. Mais c'était chose bien rare que quelqu'un s'approchât des fenêtres pour regarder au dehors. La rue et le monde entier, tout ce qui se trouvait au-delà des murs de la clinique, avait perdu son intérêt pour les malades. Là-bas, on vivait. Là-bas, les charrettes couraient, pleines de gens, un régiment de soldats défilait, les portes des magasins s'ouvraient avec bruit. Ici, 3 malades étaient couchés sous les draps, ayant à peine assez de force pour se retourner. Ou bien, vêtus de robes de chambre grise, ils se traînaient lentement sur le parquet ciré. L'étudiant recevait un journal, mais lui et ses compagnons ne le regardaient presque pas. La moindre irrégularité des fonctions digestives chez un des malades de la clinique les intéressait et les émouvait davantage que les plus graves événements qui agitaient la surface du monde. Vers 11 heures arrivaient les médecins et les étudiants, et de nouveau recommençaient les interrogatoires. Laurent Petrovitch, les yeux fixés devant lui, répondait d'une voix sombre et avec effort. Le père diacre, très ému, parlait tant et si vite, avec un tel désir de satisfaire tout le monde et de témoigner à tout le monde sa considération, que souvent on avait peine à comprendre ses paroles. Parlant de lui-même, il disait « Lorsque j'ai eu l'honneur de rentrer à la clinique, » parlant de l'infirmière, il disait Elle a eu la bonté de m'administrer un lavement. » Toujours, il savait exactement à quelle heure et à quelle minute il avait éprouvé de l'oppression, à quel moment de la nuit il s'était réveillé et combien de fois. Quand les médecins s'en allaient, il redevenait plus gai, les remerciait, s'efforçait d'avoir un mot aimable pour chacun d'eux en particulier. Après quoi, il montrait au taciturne Laurent Petrovitch et à l'étudiant, qui souriait, de quelle façon il avait salué d'abord le docteur Alexandre Ivanovitch et puis le docteur Semen Nikolaïevitch. Il était très malade, incurablement, et ses jours étaient comptés. Mais il ne s'en doutait pas, et il parlait avec enthousiasme du pèlerinage qu'il ferait, après sa guérison, au monastère Troïtski, ou bien encore d'un pommier qu'il avait dans son jardin et dont il attendait beaucoup de fruits pour l'été prochain. Dans les belles journées, quand les murs et le parquet de la chambre se remplissaient de rayons de soleil, quand les ombres sur les draps blancs des lits devenaient bleues, sous une lumière déjà presque d'été, le père diacre entonnait à haute voix un hymne touchant. Chantons le maître du monde qui, du haut des cieux, nous envoie la pure lumière de son soleil. Sa voix, une faible petite voix de ténor, commençait à trembler. Et, rempli d'une émotion qu'il s'efforçait de cacher à ses voisins, il s'essuyait les yeux avec son mouchoir et souriait. Puis, traversant la chambre, il s'arrêtait devant la fenêtre et levait son regard vers le ciel bleu sans nuages. Et le ciel lui-même, infiniment haut au-dessus de la tête, infiniment beau, semblait un grand chant solennel et divin. Et souvent l'on entendait s'y mêler, tout à coup, une petite voix de ténor, timide et tremblante, mais pleine d'une supplication doucement passionnée. Sous mes nombreux péchés chancelle mon corps, chancelle mon âme. À toi j'ai recours, Jésus bienfaisant, espoir des désespérés. Toi viens à mon aide. À midi on servait le dîner, à 4 heures le thé, à 8 heures le souper. À 9 heures, la petite lampe électrique se recouvrait d'un abat-jour bleu, et la nuit commençait, une nuit longue et vide, comme la journée. Un grand silence s'étendait sur toute la clinique, coupé seulement par le bruit monotone de la respiration des convalescents, par l'atout des malades, par de faibles soupirs et gémissements. Et ces murmures nocturnes avaient souvent quelque chose d'énigmatique qui épouvantait. Était-ce un malade qui se plaignait au loin? Ou bien n'était-ce pas la mort elle-même qui venait errer le long des murs blancs, entre les draps blancs? Sauf la première nuit, où il avait dormi d'un sommeil de plomb, Laurent Petrovitch ne dormait presque pas, et les nuits étaient pleines pour lui de pensées nouvelles et pénibles. Tenant ses deux mains velues sous sa tête, immobile, il considérait obstinément la lueur de la lampe, tamisé par l'abat-jour bleu, et il songeait à toute sa vie. Il ne croyait pas en Dieu, ne tenait pas à la vie, et ne craignait pas la mort. Tout ce qu'il y avait eu en lui de vie et de force, tout cela avait été dépensé sans profit et sans joie. Dans sa jeunesse, quand ses cheveux frisaient sur sa tête, souvent il volait de la viande ou des fruits chez son patron. Et on le surprenait, on le battait, et il détestait ceux qui le battaient. Plus tard, dans l'âge mûr, il se servait de sa richesse pour pressurer les pauvres gens. Il écrasait ceux qui lui tombaient sous la main, et eux, en échange, ils le payaient de haine et d'effroi. Puis était venue la vieillesse, était venue la maladie, et l'on avait commencé à le voler lui-même, et lui-même avait traité sans pitié ceux qu'il avait pu surprendre. Ainsi s'était passée toute sa vie. Elle n'avait été qu'une longue et amère suite d'humiliations et de haines, où s'étaient bien vite éteintes les petites lueurs fugitives de l'amour, ne laissant dans son âme qu'un grand tas de cendres froides. À présent, il aurait voulu sortir de la vie, oublier. Mais la nuit silencieuse était cruelle et impitoyable, et il songeait, avec mépris, à la sottise de ceux qui aimaient cette vie. Il tournait la tête vers le lit voisin où dormait un de ses sots, le père diacre. Longtemps et attentivement, il considérait le petit visage blanc qui se confondait avec le linge blanc de l'oreiller et des draps. Et parfois un mot lui jaillissait des lèvres. Imbécile. Puis il regardait dormir l'étudiant, celui que, dans la journée, embrassait la jeune fille. Et plus amèrement encore, il murmurait. Quels imbéciles! Le jour, son âme semblait s'éteindre. Son corps accomplissait exactement tout ce qu'on lui ordonnait, avalait les potions, se tournait et se retournait. Mais de semaine en semaine, il faiblissait. Et bientôt, on dut le laisser au lit toute la journée immobile, énorme, avec une trompeuse apparence de vigueur et de santé. Le diacre lui aussi faiblissait. Il allait moins dans les autres chambres, il riait plus rarement. Mais dès qu'entrait dans la chambre un petit rayon de soleil, il recommençait à bavarder joyeusement, remerciant tout le monde, depuis le soleil jusqu'au médecin, et se complaisant plus encore que naguère dans le souvenir de son cher pommier. Puis il chantait son hymne, et son visage, qui était devenu plus sombre, s'éclaircissait de nouveau, tout en prenant une mine plus grave, ainsi qu'il convenait pour un diacre. Le chant fini, il se tournait vers Laurent Petrovitch et lui décrivait le diplôme qu'on lui avait donné lors de sa consécration. « Une feuille énorme, grande comme ça, » disait-il en étendant les mains, « et toute pleine d'écritures, des lettres noires, d'autres dorées, une rareté, vraiment !» Il faisait le signe de la croix devant l'image sainte et ajoutait d'un ton recueilli. « Et en bas, le sceau de l'archiprêtre. Un sceau énorme, mon petit père. Ah, si vous pouviez voir ça !» Et il riait de tout son cœur, cachant ses yeux brillants dans le réseau de ses petites rides. Mais tout à coup, un nuage gris recouvrait le soleil, la chambre s'assombrissait de nouveau, et le père diacre, avec un soupir, se recouchait sur son oreiller.